Appel urgent SOS. Vaccination obligatoire malgré des dizaines de milliers de morts après l'injection Covid. Ce qui était encore impensable il y a quelques semaines est devenu réalité. Les gouvernements allemands et autrichiens veulent introduire une vaccination obligatoire contre le Covid. En Suisse aussi, les premières voix s'élèvent déjà dans ce sens. De plus en plus de politiciens sont désormais atteints par ce virus de la vaccination obligatoire. Ce soudain changement d'attitude est justifié par l'augmentation du nombre d'infections et par un prétendu état d'urgence des lits de soins intensifs, que la politique a pourtant elle-même provoqué en supprimant massivement des lits. Le débat sur l'obligation de vaccination est alimenté par les médias publics, qui présentent constamment aux gens les soi-disant vaccins comme la seule issue à la crise et répriment massivement les voix critiques à l'égard des vaccins. Face à la menace de l'obligation de vaccination, nous montrons aujourd'hui ce qui est passé sous silence par les médias. 1. Phénomène de santé. Premièrement, le hashtag « soudain inattendu » explose. Le graphique présenté montre comment, dans les recherches Google, le hashtag « soudain inattendu » a augmenté de manière exponentielle en tant qu'indicateur de décès inexpliqués. Les années précédentes ne laissent apparaître aucune accumulation. Sur Twitter également, le hashtag « soudain inattendu » a le vent en poupe. Deuxièmement, le nombre d'infarctus et des maladies cardiaques chez les jeunes explose. Une vaste étude chinoise démontre que depuis peu, on compte près de 50 cas d'inflammation du muscle cardiaque pour 100 000 jeunes. Cette inflammation entraîne la mort dans 20% des cas. Troisièmement, le nombre de fausses couches explose. La base de données VAERS des autorités sanitaires américaines CDC fait état de 2620 enfants morts-nés après l'administration de l'injection de Covid aux femmes enceintes. Cela représente plus de décès fœtaux en 11 mois d'injection de Covid que durant les 30 dernières années après l'ensemble des vaccinations. Les détectives ou les criminologues ne seraient pas les seuls à chercher un fil conducteur commun face à une telle augmentation de tous ces phénomènes jamais vus auparavant. Pour cela, l'injection de Covid, qui n'est administrée en masse que depuis cette année, apparaît comme une évidence. C'est pourquoi les vaccins dits Covid sont fortement soupçonnés d'être responsables de ces phénomènes. 2. Les chiffres alarmants. Les chiffres officiels de l'Institut Paul Ehrlich, en bref PEI, confirment également ces soupçons comme nous l'avons montré dans notre appel urgent. L'analyse concrète après 9 mois de vaccination Covid montre des conséquences dévastatrices. Premièrement, les chiffres du PEI. Entre 2000 et 2020, 9,8 décès par an en moyenne ont été signalés au PEI chez les adultes après l'administration de tout type de vaccin. En raison du nombre plus élevé de vaccins contre le Covid, on pourrait s'attendre à environ 80 déclarations de décès pour l'année 2021. Mais au 30 septembre 2021, le PEI a déjà enregistré le nombre incroyable de 1802 déclarations de décès. Extrapolé à l'ensemble de l'année 2021, cela représente 2402 décès. Il s'agit d'une augmentation incroyable d'environ 24 000% par rapport à l'époque avant Covid. Aujourd'hui, nous devons ajouter un autre facteur alarmant à ces chiffres publiés. Deuxièmement, le facteur choquant du nombre de cas non déclarés. Une vaste étude, Harvard Pilgrim de 3 ans, a conclu qu'aux États-Unis, moins de 1% des cas réels de dommages liés à la vaccination sont déclarés. Pour l'Allemagne, le docteur Klaus Hartmann, ancien responsable de la sécurité des vaccins au PEI, indique que seuls 5% environ des cas réels sont déclarés. Puisque les médecins ne sont pas rémunérés pour les déclarations délicates de dommages au PEI, ce chiffre noir n'est certainement pas exagéré. Si on part du principe que 5% de tous les décès survenus après une vaccination sont effectivement déclarés, on obtient pour la seule Allemagne une déclaration totale effective de 48 040 décès pour l'année 2021. Au lieu de tirer la sonnette d'alarme, le PEI continue, même face à de tels taux d'augmentation exponentielle, à indiquer de manière lénifiante qu'il ne s'agit ici que de prétendus cas suspects. Les autopsies qui apporteraient de nouvelles informations ne sont presque jamais ordonnées. Les chiffres bruts mettent en évidence le scandale de la vaccination de tous les services de sécurité. Le même scénario se déroule actuellement dans presque tous les pays industrialisés occidentaux. Et la plupart des médias grand public n'en parlent pas. Les cas officiellement annoncés et surtout ce facteur choquant de chiffres noirs le montrent sans équivoque. Les vaccins contre le Covid ne sont absolument pas sûrs, contrairement à toutes les affirmations que la politique et les médias répètent comme des mantras. Les demandes de vaccination obligatoire sont hautement irresponsables. Afin que vous puissiez mieux informer votre entourage personnel sur ces dangers, nous mettons à votre disposition, sous l'émission, sur notre site original www.cla.tv, ce graphique avec les chiffres alarmants du PEI. 3. D'autres faits passés sous silence qui font de l'obligation vaccinale un crime. Premièrement, Pfizer a falsifié l'étude d'homologation. Le célèbre British Medical Journal a rapporté le 2 novembre 2021 que Pfizer avait triché lors de l'autorisation de mise sur le marché. L'étude n'a pas été menée en double aveugle, comme cela est prescrit. Des effets secondaires graves ont été en partie dissimulés. Cette falsification des données invalide l'autorisation conditionnelle du vaccin, car il n'y a plus aucune preuve de son efficacité. Le vaccin devrait donc être immédiatement retiré du marché. Deuxièmement, les personnes non vaccinées ne sont pas plus infectieuses que les personnes vaccinées. Le professeur Werner Bergholz, ancien professeur à l'université Jacobs de Brême, a démontré lors de la deuxième conférence de pathologie à Berlin, le 4 décembre 2021, que les vaccinés de plus de 30 ans sont beaucoup plus souvent testés positifs au Covid que les non-vaccinés. La célèbre revue médicale The Lancet a également publié récemment une étude avec des conclusions similaires. Ceci enlève également tout fondement à l'incitation contre les personnes non-vaccinées et à la menace d'une vaccination obligatoire. Troisièmement, les pays à forte couverture vaccinale connaissent des épidémies massives de Covid. Le récit de l'immunité collective et de l'effet protecteur des vaccins dits Covid éclate comme une bulle de savon. Des pays comme l'Islande, l'Irlande, les Seychelles ou Gibraltar, où le taux de vaccination est extrêmement élevé, connaissent des épidémies massives du Covid. Malgré une couverture vaccinale de 99,7%, Waterford signale le plus grand nombre d'infections Covid de toute l'Irlande. Selon le dernier rapport de Public Health Scotland, 89% des décès dus au Covid en Écosse sont dus à une double vaccination. Ces faits sont confirmés par Luc Montagnier, virologue français de renom et prix Nobel de médecine. Il a qualifié les vaccinations de masse et donc la menace de vaccination obligatoire d'erreur scientifique et médicale. Montagnier a déclaré textuellement « C'est une erreur inacceptable. Les livres d'histoire le montreront, car c'est la vaccination qui crée les variants. » Il explique également les innombrables décès de personnes vaccinées, car dans chaque pays, la même tendance se produit. La courbe des vaccinations est suivie de celle des décès. Ces faits accablants montrent également que les vaccins dits Covid ne sont pas sûrs, mais dangereux. L'autorisation de mise sur le marché n'était déjà qu'une escroquerie et le manque d'efficacité est inévitablement révélé dans la pratique. Même l'avertissement le plus pressant d'un prix Nobel est tout simplement passé sous silence et ignoré par les médias et la politique. Une vaccination obligatoire contre le Covid est donc un crime gigantesque contre l'humanité entière. 4. La vaccination obligatoire est une violation manifeste de la loi. Une vaccination Covid obligatoire est contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce traité de droit international a été ratifié par l'Allemagne dès 1973, par l'Autriche en 1978 et par la Suisse en 1992. L'article 7 stipule « En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Le code de Nuremberg de 1947 n'autorise pas non plus la vaccination obligatoire. Celui-ci a été adopté sur la base des enseignements tirés des expériences médicales menées pendant la période nazie. Ce code stipule qu'en médecine, le consentement volontaire d'une personne est absolument nécessaire et qu'il ne peut être fait usage de la force, de la ruse, de la pression ou de toute forme de persuasion. Le SOS contre toute obligation de vaccination contre le Covid. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, les peuples allemands, autrichiens et peut-être bientôt le peuple suisse se trouvent à la croisée des chemins historiques. Vont-ils tolérer une fois de plus une loi qui n'est plus basée sur un consentement volontaire, mais sur la fraude, la ruse, la pression massive et la persuasion ? Une loi qui ordonne de manière dictatoriale aux personnes déjà vaccinées de se présenter à des vaccinations récurrentes, éventuellement tous les 6 mois seulement. Une loi qui, sous le couvert d'une prétendue protection de la santé, met en danger de manière irresponsable la santé de populations entières, comme cela a été montré dans cette vidéo. Soutenez donc notre SOS urgent, car il s'agit du droit à l'autodétermination et de la liberté de tous les êtres humains, et donc d'une question existentielle. Cette loi sur la vaccination obligatoire doit donc être immédiatement stoppée par le peuple. Il est encore temps d'agir et d'appeler par exemple le député du Bundestag de votre circonscription et de ne pas vous laisser conduire. Il est encore temps de mettre en garde les personnes qui ne se doutent de rien contre cette vaccination Covid à haut risque. Aidez-nous à mettre fin à la dictature vaccinale qui menace. Commencez immédiatement en faisant connaître ce SOS bouleversant dans votre entourage personnel, par exemple par email ou via WhatsApp. Vous trouverez également ci-dessous le lien de l'émission ainsi que les documents cités en allemand.